L'indifférence, un sourire qui tue, c'est plus fort qu'une moquerie, c'est plus fort qu'une insulte. C'est une insulte sans définition, dont tout le monde est complice et dont on ne peut demander compte à personne. Jules Janin. 10. Seul avec Eugène, Berthe aurait voulu s'entretenir de choses insignifiantes, certes, de toute autre chose que d'elle. Mais lorsqu'il lui fallut parler, répondre à une demande frivole de son mari, les pleurs lui coupèrent la voix. « Qu'avez-vous ? » lui demanda Eugène, étonné. C'était la première fois qu'il voyait pleurer sa femme. « Vous ne voulez pas me répondre, Berthe ?»« Oh, monsieur !» Et elle s'arrêta. « Continuez, mon ami !»« Est-il vrai, monsieur ? Est-il vrai, Eugène, que vous ayez de l'antipathie pour moi ?»« Quelle idée, Berthe !» Et malgré lui, Eugène lâcha la main de sa femme. Suffoquée, la pauvre Berthe s'écria « Oh, mon Dieu ! Tout ce que je possède, et la vie dans ce monde, et l'éternité dans l'autre, et le néant, tout, pour que ce ne soit qu'une idée !»« Mais, Berthe, qui peut donc ainsi vous agiter, troubler votre raison ?»« Pardon, pardon, Eugène. D'où viennent vos larmes, l'incohérence de vos discours ? Oh, que je souffre ! Vous, si raisonnable, Berthe, ordinairement si calme, en vérité, je ne conçois rien à cette douleur. Parlez donc. Si je parle, j'ai tort, je le sens. Et pourtant, je ne puis me taire. Non, car j'étouffe. Eugène, ne me blâmez pas. Je suis si jeune, je n'ai pas 18 ans. Je connais peu le monde. Si je fais mal, excusez-moi, Eugène, car je n'ai personne au monde, personne à qui je puisse demander un avis, un conseil, mon Dieu !» Puis le cœur lui vint sur les lèvres à cette jeune femme, et elle s'écria « Eugène, vous m'avez trompé !»« Trompé, madame ?»« Oui, je ne voulais pas vous épouser. Je savais que j'étais laide, qu'on ne pouvait m'aimer. Je savais tout cela, je me rendais justice. Je voulais vivre seule, isolée. Passer ma vie sans désir, mais aussi sans regret. Et vous êtes venu, vous, et je vous ai aimé, et je n'ai plus eu qu'une volonté, la vôtre. Mais vous, vous ne m'aimiez pas. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Pourquoi me sortir de mon état, de mon obscurité? Pourquoi lever un coin du voile qui recèle le bonheur? Me le montrer, ce bonheur? Me faire voir le ciel? Car mon ciel à moi, le ciel de Berthe, c'était toi, Eugène. Dites, monsieur, pourquoi tout cela, puisque vous avez de l'antipathie pour moi ? » Encore ce mot, Berthe ! Ce mot, c'est vous qui l'avez prononcé, Eugène, reprit-elle doucement à demi-voix, d'un air craintif. Hier soir, vous souvenez-vous, à Alphée ? Oh, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas, Eugène, si vous en aimez une autre. Ce n'est pas votre faute, je le sais. Je ne vous en veux pas. » Et ses larmes baignaient ses joues. Et Eugène, interdit, ne trouvait pas un mot à répondre, pas même une consolation à offrir à cet infortuné que sa froideur accablait. Un domestique vint les interrompre. Berthe détourna la tête pour qu'il ne vît pas qu'elle pleurait. « Madame de Maugis est déjà montée en voiture. Elle attend, madame. »« Elle descend. Sortez, » dit Eugène. Et quand le domestique fut parti, Eugène s'approcha de sa femme. « Berthe, séchez vos larmes. Ma vie vous appartient. Vous avez le droit de m'en demander compte, Berthe. Elle vous est consacrée. Croyez que je voudrais vous rendre heureuse. »« Oui, je le crois, parce que vous êtes bon. » « Alors ne pleurez donc plus, je vous ai comprise à demi-mot, Berthe. Comprenez-moi de même, quand je vous assure que je ne suis qu'à vous seule. »« Ah, oh, je ne l'exige pas. »« Descendez, Berthe, on vous attend. »« C'est vrai, mais dites-moi. »« Quoi ?» Berthe leva les yeux sur son mari. Son cœur était plein, elle aurait voulu parler. Mais il y avait si peu d'intérêt dans le regard que Eugène tenait sur elle. Attendant sa réponse, il y avait une telle absence de sentiment, car l'indifférence n'est pas un sentiment, et c'était la seule chose qu'on y lisait, que Berthe en eut le cœur navré. Quoi ? Répéta Eugène. Rien. Et Berthe s'échappa, mettant la main sur ses yeux.